validé. Oui, ma flamme n'avait plus de lumière, mais tu l'as rallumée. Je voulais plus parler d'amour, mais chaque instant, je veux que tu t'en souviennes. Mon cœur est animé. Demande-moi, demande-moi, demande-moi, je te le dirai pas. Demande-moi, demande-moi, demande-moi, je te le dirai pas. Je me sens impuissant face à toi. J'ai perdu tout contrôle. Impuissant face à toi. C'est toi qui as le premier rang. Je me sens impuissant face à toi. J'ai perdu tout contrôle. Impuissant face à toi. C'est toi qui as le premier rang. Tu n'es plus seul, t'inquiète pas, je suis là pour toi. Pour toi. Si tu tombes, je tombe, t'en fais pas. Oh, c'est normal, normal. My love, pour toi je chante tous les jours. Je n'arrêterai pas de te faire la cour. Je t'écrirai les plus belles chansons d'amour. Demande-moi, demande-moi, demande-moi, je te le dirai pas. Demande-moi, demande-moi, demande-moi, je te le dirai pas. Je me sens impuissant face à toi. J'ai perdu tout contrôle. Impuissant face à toi. C'est toi qui as le premier rang. Je me sens impuissant face à toi.